Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même Kevin Laramie. 30 avril 2019, l'impact contre la Bonds. Oui, l'impact contre tout le monde, l'impact contre la MLS, l'impact contre les Revolution de la Nouvelle-Angleterre en mi-semaine et ce dimanche, en début d'après-midi, contre... Évidemment, j'ai un blanc en plein début d'émission. Ben non, je m'en rappelle, évidemment. L'impact a gagné 1-0 contre le Bastian Schweinsteiger et le Chicago Fire. Ouais, on va parler de Schweinsteiger dans quelques instants et de sa performance en tant que milieu défensif. Ouais, défenseur central, c'est quelque chose. Mais revenons à l'impact. Égalité au sommet de l'Association de l'Est, deux blanchissages pour l'Impact de Montréal cette semaine depuis la dernière émission. Belle performance en mi-semaine avec le premier but en MLS de Shemit Chaume, suivi d'un doublé en fin de match par Anthony Jackson-Hamel. Et l'Impact gagne sur la route encore une fois cette saison, ce mercredi dernier, avec sa victoire de 3-0 contre le Revolution. Et ce dimanche, 1-0 à la maison, avec un but du nouveau venu, Omar Browning, qui marque son premier but avec l'Impact de Montréal lors de son début. Il a fait son entrée dans le match en fin de première demi lorsque Clément Baya est sorti sur blessure. Plus précaution qu'autre chose. Clément Baya sentait quelque chose derrière la cuisse et Rémi Garde ne voulait pas prendre de chance. On va l'entendre un petit peu plus tard, Rémi Garde et ses commentaires d'après-match. On va entendre aussi Samuel Piette, Zakaria Diallo, un des meilleurs défenseurs en 2019 en MLS, et aussi Omar Browning par le biais d'un traducteur. Nous allons l'entendre aussi dans quelques instants. Mais revenons sur cette victoire sur la route, encore pour l'Impact. Wow! Je dois m'avouer surpris. J'avais comme prédiction 9 points était, selon moi, la gage de succès pour l'Impact pour les 9 premiers matchs. C'était une barre assez basse, je dois vous l'avouer. Mais ça aurait été déjà un point de plus, quelques points de plus que l'année dernière. Et au moins, il n'aurait pas eu de gros trous. Mais là, l'Impact, avec ses performances sur la route, se retrouve avec des matchs à la maison, plus souvent qu'autrement d'ici la fin de saison, et avec une opportunité d'avoir une excellente saison. Je pense que l'opportunité, elle est là présentement pour l'Impact de Montréal pour créer une grande surprise dans l'Association de l'Est. On va regarder le classement, mais New York qui traîne de la patte. Quand je dis New York, c'est avec un S, c'est au pluriel. C'est les deux New York qui traînent de la patte. On n'a pas personne qui présentement est en train de partir avec le classement dans l'Association de l'Est. DC United égalité en points avec Montréal et on retrouve des clubs comme Orlando en discussion pour une place en série. Surprenant, Columbus, évidemment. Pas très surprenant pour Columbus, mais c'est cela. Mais l'Association de l'Est a des clubs qui sont battables cette année avec les déboires d'Atlanta en 2019. FC Cincinnati, club d'expansion. Les deux New York qui rushent. Mais l'Impact a une opportunité de faire top 4, je crois, dans l'Association de l'Est cette année. Et d'avoir un match de séries éliminatoires à la maison. Et comme je disais la semaine dernière, pour moi, c'est le pas de salut du succès en 2019. Un match de séries éliminatoires à la maison pour l'Impact en 2019. Je crois que ce sera le cas. Hein? Ça va arriver. Hashtag playoff IMFC. On est quoi là? Le 30 avril? Non, j'exagère. Là. C'est pas une vraie prédiction, mais les astres s'alignent, je dois vous avouer. Donc, on a parlé un petit peu de la victoire en Nouvelle-Angleterre. Je pense que pour l'Impact, c'est un bon résultat. Une équipe, pas une très bonne équipe, mais ont des problèmes d'identité. Ils ont des joueurs, pourtant, de talent. Quand je pense à Juan Agudelo et à Andrew Farrell, des joueurs comme ça qui avait un haut potentiel en MLS, encore jeune, mais le manque de structure autour du club, je pense, commence à se faire voir sur le terrain. Et c'est une des raisons, selon moi, pourquoi le Revolution traîne de la patte depuis quelques années maintenant. Et après cette victoire contre Chicago, je parlais de Bastian Schweinsteiger, je regardais le match de la galerie de presse, Et Bastian, au duel, je pense qu'il a perdu 90% des duels auxquels il allait. On se rappelle, l'année dernière, on le voyait jouer comme défenseur central. On se demandait, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là? On pensait que c'était par nécessité. Mais non, c'est par volonté. Au début de cette saison, Bastian, il a été demandé, pourquoi veux-tu jouer comme défenseur central? Il mentionnait, bien, je pense que c'est la position avec laquelle je peux être le plus performant cette année. Autrement dit, il veut plus courir. Il se retrouve défenseur central avec Chicago. Et présentement, pour ne pas de bons résultats. Et on a vu à chaque fois qu'un joueur de l'Impact allait au duel contre Bastian, il sortait avec le ballon ou sortait avec le meilleur du duel. On a même vu Bastian Schweinsteiger avoir un duel avec le ballon et la pelouse en tant que telle. Il a failli perdre ce duel et se retrouver les quatre fers en l'air sur la pelouse du Stade Saputo. Mais il a réussi à retrouver l'équilibre juste à temps. J'en ai quasiment craché mon café en regardant ce bout du match. Mais oui, c'était toute une aventure. C'est une aventure pour Bastian Schweinsteiger à MLS depuis son arrivée, soyons honnêtes. Écoutons les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, suivi de Samuel Piette, Zakaria Diallo et du marqueur du but gagnant lors de son premier match à vie avec l'Impact de Montréal, Omar Brownie. Mais ça débute avec Rémi Garde dans un petit instant. Bonjour. Vos impressions après bon, un match âprement discuté, mais d'où encore vous réussissez à sortir avec les trois points et une bonne performance défensive en général? Oui, je suis d'accord, c'était un match très disputé. Pour moi, il y a deux raisons à cela. Il y a l'adversaire. On savait que c'était comme ça. C'est une équipe qui a perdu des matchs, mais un seul par plus de deux buts d'écart. Donc on sait que c'est une équipe accrocheuse qui dispute tous les ballons. Ça, c'est le premier paramètre. Et puis le deuxième, c'était l'état du terrain qui favorise ça, puisque le ballon ne prend pas de vitesse lorsqu'il touche le sol. Au contraire, il rebondit plus. Donc il faut le toucher deux fois, trois fois avant de pouvoir faire une passe. Donc ça donne un match, comme on l'a vu, techniquement c'était assez pauvre. Voilà, mais ça peut arriver et encore une fois j'ai aimé l'attitude de mon équipe qui a, malgré ces deux facteurs, qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à avoir un mental très fort pour aller chercher la victoire. Oui. 5 blanchissages sur 6 derniers matchs. Selon vous, quel est le facteur décisif pour expliquer ce jeu défensif dernièrement? Je crois qu'il y a de la rigueur dans mon équipe. Les joueurs ont compris un certain nombre de positionnements tactiques qui sont importants. Je crois que c'est important dans le football moderne. Si vous prenez trop de buts, c'est compliqué. Voilà. Et encore une fois, je répète, aujourd'hui, ce n'était pas forcément notre intention, mais c'était difficile de produire un jeu plus rapide. Parlez-nous un peu du but de Omar Brown. Vous avez semblé aussi surpris et joyeux que nous. Tout un jeu, on ne sait pas trop comment il s'est faufilé entre 4 joueurs, mais assez incroyable comme première sortie. Oui, Omar, c'est un joueur, c'est ce qu'on a vu, ceux avec qui je travaille, c'est ce qu'on a vu sur les matchs qu'il jouait, c'est-à-dire un joueur très rapide qui peut se retourner très vite entre les lignes et qui a une accélération phénoménale. Voilà, il va très très vite, c'est faux filet là. Je pense que pour un premier match, c'était bien, c'était important pour lui. J'ai hésité à le faire démarrer, mais voilà, comme il ne parle pas encore la langue, moi je ne parle pas la sienne non plus, donc c'est compliqué, on essaie de dialoguer autrement, avec mon staff notamment qui arrive à parler espagnol, mais voilà, c'est une bonne entrée en matière. Je pense que c'est un joueur qui va nous rendre beaucoup de services aussi. Encore. Votre adversaire était suspendu, on l'a vu à la caméra donner des signaux à son équipe. Est-ce que ça contrevient au règlement selon vous? Je connais mal le règlement, je n'ai pas été expulsé cette année, Dieu merci. Le règlement, c'est qu'il peut être dans le stade sans communiquer avec son équipe, là, il l'a fait par des signaux assez précis de... Écoutez, je ne vais pas m'élever contre contre un collègue, comme on dit, de travail, s'il y a eu, s'il a enfreint le règlement, voilà, il y a des gens qui feront leur métier, c'est pas le mien, je suis désolé. What's impressed you or maybe even surprised you most about the way your team has been able to perform without Piatti, best player in the lineup? I think it's the mental of the team. I think that we improve a lot since last season. We are not so fragile anymore. Everyone give to the team, and you know, it creates an atmosphere of a work ethic that everyone is bringing into the team. And I think it's I'm not surprised, but I'm very proud of that, because to win games, sometimes it's about technique, sometimes it's about tactic. But you cannot win a game if you are not mentally prepared to a battle, because it's always a battle, especially in MLS. Then I'm proud of the way my player give answer on this level. Do you have any hope that he might be back next week? Who? Yeah. Nacho. Hopefully he could be training with us at the beginning of the week, and we will see. I will see where he stand in terms of his fitness, general fitness, because he has been away for 6 weeks, I think. And then it takes time to come back, but as soon as he will be available, of course, it will be a warm welcome for him inside the team. Coach, I know you touched on it a little bit in French, but just what did you think of Omar in the first game for a player who doesn't speak the language, isn't used to maybe the level of physicality in MLS? What did you think overall? I'm very happy for him to score a goal in a new environment. It's always very important, because it will give the player confidence, you know. Seems to be a little bit shy, and you know, for him everything is new. He's a young player. I think that he's got the talent to be decisive in this league. When I said decisive, it's not only score or assist, but to be very important for our game, and I'm very happy the way he starts. Did you have an update on Bahia? He felt a little pain on his back of the thigh, and I prefer to stop him directly. Ça fait longtemps que vous avez perdu un match ici au Stade Saputo. Quelle importance dans une ligue où c'est souvent très difficile de gagner à l'étranger, jusqu'à quel point ça devient important d'aller chercher ces victoires-là à domicile, puis jusqu'à quel point vous mettez l'accent là-dessus? Mais oui, vous avez raison. Quoique je mets un bémol maintenant, parce que non seulement nous, on l'a montré, on pouvait gagner à l'extérieur, mais je trouve qu'il y a un peu plus de victoires à l'extérieur cette année. Peut-être que je me trompe, mais statistiquement, il faudrait vérifier, mais... Voilà, peut-être qu'il y a un nouvel état d'esprit qui arrive aussi dans la Ligue, mais bien sûr, c'est important de gagner ces matchs à la maison. Je me souviens de même genre de match l'année dernière, sur la première partie de saison, qu'on a perdu. L'équipe était très étirée, il y avait des espaces, on ne défendait pas comme il faut, on n'attaquait pas comme il faut. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, je le dis souvent, on n'a pas tout fait bien, on n'a pas tout réussi, mais l'adversaire ne nous a pas mis en grande difficulté. J'ai souvenir... sur une touche en première mi-temps où Gaëtan a pu frapper, mais c'était pas sur une vraie action de jeu, c'est sur une touche où on n'était pas concentré sur le marquage. En deuxième mi-temps, il y a eu un centre qui est passé devant le but. Voilà, mais sinon, on n'a pas été mis extrêmement en danger. Mais encore une fois, je pense qu'à la décharge des deux équipes, il était vraiment difficile de faire du beau jeu sur un terrain comme ça, malheureusement, pour tout le monde. Rémi, au moment où Omar marque, Anthony s'apprêtait à entrer au jeu, forcément le but change la donne. Vous décidez d'opter pour Victor. Et Anthony a semblé extrêmement frustré par la décision, est allé au vestiaire et a été ramené par Clément. Qu'avez-vous pensé de cette situation-là? Alors, je l'ai pas vu complètement. En fait, j'avais déjà fait deux changements, dont un obligatoirement avec Clément en première mi-temps pour Omar. Puis un deuxième pour Orji, parce que sur le côté on ne créait plus rien. Orji avait joué déjà en milieu de semaine, donc il fallait un peu de fraîcheur dans le couloir. Donc il ne me restait plus qu'un changement, et quand il reste un peu plus de 20 minutes et que vous faites votre dernier changement, j'avais aussi connaissance d'un joueur pour qui c'était un petit peu difficile physiquement, Bakary Sagna. Donc il avait signalé quelque chose aussi à la mi-temps. Donc je ne voulais pas faire entrer Anthony trop tôt. Et puis effectivement, il y a eu le but. Donc voilà, après ça engendre des situations où je comprends parfaitement la frustration de tous les joueurs. Malheureusement, c'est pas le premier, mais l'incident est rentré dans l'ordre et encore une fois, Anthony s'est montré très très compréhensif. Merci. Thank you. Merci. Et maintenant, le capitaine lors du match de dimanche, Samuel Piette. Très bon feeling. À chaque fois qu'on gagne un match, on le dit dans le vestiaire ici, il faut de gagner et surtout de bien performer pour confirmer la victoire d'avant. Donc je pense que c'est là encore plus du bien que c'est des mieux. De quoi tu te satisfais le plus, des 5 blanchissages dans les 6 derniers matchs ou d'avoir juste joué 2 matchs à domicile et de pourtant être pratiquement au sommet de l'Association Ouest? Ah, les deux, c'est pas mal. Honnêtement, je pense que l'an dernier, on a eu beaucoup de difficultés à l'étranger. Donc le fait d'être deuxième avant ce match-là avec 8 des 9 matchs à l'étranger fait beaucoup de bien. Le fait aussi de gagner nos 2 matchs à la maison qu'on a joué fait beaucoup de bien. 5 blanchisseurs, c'est très très bon pour la brigade défensive. Donc il y a beaucoup de positifs à prendre. Mais il ne faut pas qu'on soit satisfait de ça. Il faut continuer parce que ben, oui, on a 17 points maintenant, mais on peut bien terminer avec la saison avec 17 points. On est juste satisfait de ça. Samuel, ton palmarès de mission défensive, Gaëtan, si tu sauves, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur-là? C'est un joueur qui cherchait beaucoup les espaces dans mon dos, qui traînait un peu dans mon dos, donc c'est assez difficile. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de misère à le trouver. Quand il avait la balle, il essayait de chercher parfois la dernière passe parce qu'il n'était pas trop dans le jeu, impliqué dans le jeu. Donc je pense que ça a été un peu une journée frustrante pour lui, mais je pense que c'est grâce à nous qu'on l'a bien contenu. On savait que c'était une menace. Pour nous, donc on l'a bien mené. Et comment tu t'es préparé à affronter un gars comme ça? Qu'est-ce que tu, évidemment, tu voulais connaître toute la situation de ça? Honnêtement, j'ai pas eu une préparation différente. Je savais qu'il était gaucher. Donc, à chaque fois qu'il avait la balle, de l'amener sur son pied droit, c'est quelqu'un qui essaie de comme on peut dire, de tricoter beaucoup, donc de rester sur mes appuis, de ne pas le laisser passer. Honnêtement, il m'a eu une ou deux fois. Pas de préparation différente. À partir du terrain, qu'est-ce que tu as pensé de l'apport d'Omar Brownlee à ses premières minutes avec l'équipe? On va le remercier pour le but, évidemment. C'est lui qui nous a donné les 3 points. Bon, pas seulement que lui, mais on a vu que c'est un joueur spécial. Bon, un joueur offensif, gaucher, qu'on n'a pas vraiment dans l'équipe. Un joueur qui peut se sortir des petits espaces restreints. Qualité bon, de dribble évidente avec son but. Donc, je pense que c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de bien, qui amène une dimension différente de ce que Orgy peut nous amener, même Harry, puis Clem Maillard, que c'est des joueurs un peu plus puissants. Lui, c'est plus un joueur qui va venir en soutien pour combiner peut-être avec Maxime un peu plus profil Nacho. Tu parles français, tu parles espagnol, à quel point tu as pu l'aider aujourd'hui à assimiler les conseils des entraîneurs en tant que capitaine un peu aujourd'hui? Oui, j'ai essayé de communiquer avec lui le plus possible, comme je fais avec les autres. Je pense qu'aussi le fait qu'il y avait Bakary derrière lui qui parle aussi espagnol l'a aidé beaucoup. Il y a toujours une relation directe entre les ailiers et les latéraux. Donc, je pense que Bak aussi l'a beaucoup aidé aujourd'hui. Vous avez une semaine avant de jouer votre prochain match, puis pour une fois, vous n'allez pas à l'extérieur. Ouais. Jusqu'à quel point, au niveau de la préparation et du repos que vous avez peut-être besoin, ça va être salutaire les prochaines journées? Ben, ça va être bien, c'est sûr. J'ai pas vu l'heure, j'espère que demain est off. Là, mais non, ça va nous faire du bien de savoir qu'on rejoue à la maison la semaine prochaine. Mais après, c'est facile à dire. Je veux dire, on regarde le voyage qu'on a eu à New England, qu'on est allé gagner 3-0. Donc, tout est relatif. Là, je veux dire, c'est facile de dire qu'à la maison, tu es plus confortable. Oui, on l'est parce qu'on a le support de la foule, on est à la maison. Mais au final, c'est sur le terrain que ça joue. Puis, très, très content des 2 victoires à la maison. Il faut continuer de faire cette place une forteresse. Puis d'accumuler le plus de points possible. Sam, l'Impact a marqué 12 buts cette saison, 6 dans les 15 dernières minutes des matchs. Mm-hmm. Quelle est la différence de mentalité concernant ce facteur? Si on regarde l'année passée, c'était l'inverse. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup plus patient cette année. On sait que un peu notre objectif à chaque match est de rentrer au vestiaire avec un 0-0, du moins de ne pas accorder de but. On sait qu'avec les qualités offensives qu'on a, les joueurs qu'on a à l'avant, on va se créer des chances, on peut marquer des buts. Puis on l'a dit avant le match aujourd'hui, on a regardé à New England 0-0 à la mi-temps. On a fini 3-0, Columbus même chose, donc on ne veut pas non plus être sur la panique, même si on est à la maison, de marquer dans les 5 premières minutes. Le match est très très long, puis on sait qu'on va se créer des chances comme on l'a fait aujourd'hui, donc c'est vraiment être patient puis d'attendre nos chances. Le match aurait pu prendre une tournure très différente si vous aviez concédé un but dans les premières minutes. Comment tu as vu cette séquence-là durant laquelle tu as sauvé sur la ligne? Oui, je pense que ça a été une mésentente ou en fait un non-suivi de Nico Gaétan justement qui sur une touche, donc c'est un peu une erreur individuelle. Je ne sais pas c'est qui, honnêtement, mais bon, je devais de suivre le marquage. Puis après, c'était un peu un cafouillage devant le but. Moi, j'étais sur la ligne, j'ai vu la balle, j'ai pas pensé. Donc, mais je pense que c'est au départ de bien garder son homme sur les touches. C'est des trucs tellement banals, mais qui peuvent nous faire mal. Donc, il faut faire attention à ça. Et maintenant, le défenseur central de l'Impact de Montréal, Zakaria Diallo. Je suis quand même monté. Comme ça, je vous vois tous. Vos impressions sur le match, Zakaria? C'est une victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'est le troisième match de la semaine. Voilà, on finit par une victoire à domicile après avoir gagné mercredi. C'est très bien, une super belle victoire. Cinq fois dans les six derniers matchs, vous avez tenu le zéro derrière. Ça doit être un peu flatteur pour l'ego, j'imagine. Oui, c'est bien, ça fait plaisir. Ça donne encore plus de motivation pour la suite, pour essayer de pourquoi pas avoir des records en clean sheet. Et voilà, c'est bien, ça veut dire que la défense, ça se passe bien. Et voilà, on a changé beaucoup de défense sur les trois derniers matchs et c'est bien, faut continuer à bosser. Voilà. Comment as-tu vu la contribution d'Omar à ses débuts avec l'équipe? Il n'y a pas meilleur début, je dirais. Franchement, il est rentré, il a apporté beaucoup, je trouve. Et voilà, sur le but, voilà, on avait du mal à marquer. On a su être patient et voilà, il nous délivre sur un exploit individuel. Et pour moi, il n'y a pas meilleur début. J'espère qu'il nous en mettra d'autres comme ça. Sa petite touche technique, je crois. Voilà, on sait que c'est un joueur qui aime bien les duels, qui aime bien provoquer. Voilà, on l'a vu aujourd'hui. Il n'a pas joué le match entier, mais de ce qu'il a joué, il a vraiment beaucoup apporté dans la percussion offensive. Et voilà, je pense que ouais, offensivement, dans la percussion, il peut beaucoup apporter. Amir admis qu'il avait hésité à le rentrer à cause de la barrière de la langue. Pour vous, c'est comment la relation avec Omar? Ça va, il parle espagnol. Voilà. Il y a déjà deux ou trois Espagnols dans l'équipe. Voilà. Il y a tout, il y a des Français, il y a toutes sortes de nationalités. Voilà, les Espagnols, ils lui traduisent beaucoup. Et je pense que de jour en jour, ça va aller mieux. On va s'entendre. Et voilà, sur le terrain, on se dit souvent les mêmes choses. Donc ça, ce ne sera pas un problème, je pense. Vous avez parlé de la qualité de la surface de jeu, de la qualité de c'est pas la qualité, c'est un peu difficile. Oui, c'est vrai que le terrain, c'est vrai que le terrain, il est vraiment difficile au niveau de la circulation du ballon et tout. Mais bon, voilà, c'est pareil pour les deux équipes. Et voilà, aujourd'hui, on a su être solide défensivement et on savait qu'à un moment donné on allait marquer. Voilà, même sur un terrain difficile, voilà, on s'est adapté. J'espère que bientôt il sera au top. Un mois d'avril extrêmement occupé, on termine le mois près de la top du classement de l'Est. Est-ce que vous aviez ces expectations-là? Non, après voilà, on prend match par match, ça se passe très bien. Voilà, après nous on s'occupe pas trop du classement. Après ça fait toujours plaisir d'être là-haut, c'est vrai. Voilà, ça doit nous donner que de la motivation pour la suite. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça et ce serait bien. Et maintenant, la nouvelle coqueluche de l'Impact de Montréal, hashtag Lobster Brownie, lui-même, Omar Brownie. Comment qu'on dit félicitations? Congratulations on your first goal. Felicidades. How would you describe the play that led to your goal? Well, the situation was the ball was there bouncing. He just went hard. He was confident and he was looking up and scored. How difficult has it been just adapting to a new league and in a city where you don't necessarily speak the languages? ¿Qué tan difícil ha sido adaptarse a la nueva liga, en una ciudad donde no hablas ningún idioma? La verdad, y contento de estar acá, ¿no? Ahora voy a seguir mentalizándome en lo que quiero, ¿no? Y voy a seguir adelante. Well, it's been obviously hard, but he's been trying very hard day by day to get used to everything here, and he's ready to keep working and get better. What do you think of the stadium and the atmosphere and the play in general? ¿Cómo te sientes del estadio, la atmósfera y todo eso? No, la verdad, un estadio lleno. Eso me motivó la verdad cuando entré a la cancha, un poco nervioso, pero a la vez muy motivado y gracias a Dios se nos dieron las cosas. With a full stadium like that, it's obviously was a little bit nervous, but the crowd really helped him get motivated, and once he was in the field, he felt very comfortable. Omar, can you talk to us a little bit about the feelings behind your first MLS goal being a game winner in front of the home crowd? How did it feel in the moment? Fue un poco de bueno tu primer gol en la MLS, cuando tu primer gol llegando, un gol que gana el partido y gana la familia. La verdad, me siento muy contento por haber marcado. Eso me genera felicidad, mi familia está contenta, obviamente acabo con ellos. Se sienten muy felices de que yo estoy haciendo las cosas bien. Mi primer gol era en la MLS y bueno, creo que voy a seguir trabajando para seguir metiendo goles y así poder ayudar al equipo. Yeah, he's very happy, his family is very happy. He got a chance to speak to them after the game. It's his first MLS goal, it's just a little push there to keep working hard, to keep doing things, getting better, and to help the team win games. Est-ce qu'il y a une barrière linguistique pour lui, comme on a entendu parler, ou est-ce que le fait d'avoir Sam et également Bakary qui parlent espagnol sur le terrain, ça l'aide? Había alguna barrera en cuanto digamos a lo lingüístico, no poder comunicarte, o te han ayudado un poco el hecho de tener a Sam o Bakary, gente así? Bueno, la verdad, el inglés es muy complicado para mí porque no lo sé hablar, ¿no? Pero me he comunicado a través de lo que hablan en español como Bakary y los argentinos que me han ayudado mucho todo el resto del tiempo que tengo aquí. Bueno, c'est sûr, c'est pas facile, mais oui, il y a la chance d'avoir du monde comme Bakary qui peut les traduire, ou même les Argentins, ils ont des beaucoup de. Est-ce qu'il a remarqué des différences dans le style de jeu? Qu'est-ce qu'il a remarqué du style du jeu dans la MLS? Depuis votre transfert, depuis une semaine et demie, c'était extrêmement populaire au Panama et vous avez eu beaucoup de support de vos partisans, des anciens partisans de CAI. Comment sentez-vous aujourd'hui après votre but et est-ce que vous avez eu une pensée pour vos anciens partisans au Panama? ¿Qué sabes tú de eso y qué es que se siente saber que te están apoyando? Muy contento de que vamos a estar apoyando, de que vamos a salir, de que vamos a estar apoyando. Se siente muy contento de que te estás apoyando. Yo voy a ver a pensar de mí para que se siente saber. Pues yo creo que es mucho esfuerzo de salir a Panamá y estoy contento de ti y estoy contento que el mundo está encantado de ser posible, ¿verdad? Merci à Omar Brown, Zakaria Diallo, Samuel Piette, Rémi Garde pour leurs commentaires d'après-match et merci à l'Impact de Montréal aussi qui rend le tout possible. Rebienvenue à Sur la Transversale avec moi-même Kevin Laramie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramie. Alors, quelques petites choses. L'incident Jackson en fin de match. Comme vous avez pu entendre Rémi Garde et le déroulement, ça s'est passé. Donc, le changement était supposé être pour Anthony Jackson-Amel, comme troisième changement pour l'Impact de Montréal qui est supposé rentrer. Mais Omar Brown marque le but, change la donne. Rémi Garde décide de faire entrer Victor Cabrera à la place de Anthony Jackson-Amel. Anthony Jackson qui se retrouve frustré par la situation, sort et s'en va vers le tunnel. Clément Diop, gardien adjoint pour l'Impact de Montréal, va à sa rencontre, a une discussion, et clairement, il avait les bons mots. Anthony Jackson-Amel revient au bas, et à la fin du match, l'incident a été clarifié, selon Rémi Garde, et a été réglé, et tout est bien qui finit bien, selon Rémi Garde. Nous allons voir s'il va y avoir des conséquences, ou quelles seront les ramifications de ce geste de Anthony Jackson et s'il peut se retrouver avec un soit plus ou moins temps de jeu dans les prochaines semaines sera un point de débat, j'en suis sûr. Mais que pensez-vous de cette réaction d'Anthony Jackson? Amel, je veux savoir, @ sur transversal, @ Kev Laramé ou sur notre page Facebook au facebook.com/ sur la transversale. Maintenant, regardons un peu ce qui attend l'Impact dans les prochaines journées, prochaines semaines. Donc, encore une semaine chargée pour l'Impact qui commence ce samedi à la maison contre le NYCFC. Donc, une semaine contre New York et contre la semaine d'expansion aussi ensuite. L'Impact qui joue samedi contre le NYCFC et mercredi prochain sur la route au New Jersey, cette fois contre les Red Bulls de New York, le 8 mai. Et le 11 mai, l'Impact joue contre FC Cincinnati. Donc, pour la troisième fois depuis un mois et demi, l'Impact se retrouve à jouer trois matchs dans une période de 8 jours. Oui, il a connu du succès jusqu'à présent. Espérons que les trois prochains matchs seront dans la même veine aussi. Pour l'Impact de Montréal, regardons un petit peu les résultats en MLS en fin de semaine. Donc, nous avions en mi-semaine, outre le match de l'Impact contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, nous avions NYCFC qui a battu Chicago. Dure semaine pour le Chicago Fire qui se retrouve avec deux défaites, deux blanchissages contre eux, aucun but marqué. Ça va pas bien à Chicago. NYCFC 1, Chicago 0. Columbus se fait blanchir à la maison. DC United 1 point qui est en tête du classement de l'Association de l'Est dans la MLS grâce au but pour et au différentiel pour DC United. Montréal est deuxième, évidemment. Minnesota 0, LA Galaxy 0. Quel match en leur... OK. Seattle 2, San Jose 2. Un match enlevant. San Jose qui reprend du poil la bête, comme dirait ma grand-mère. Oui, ça s'en vient. Oui, c'est mieux que c'était pour San Jose. D'après moi, ils ont greffé du poil de chien parce que ça a repris du poil de la bête. Ah, François Pérusse. Les moments de mon enfance en direct à la radio ici. Bonjour. Ici, Clapeteur. Seattle 2, San Jose 2. Samedi. Dernier, quelques matchs en MLS aussi, donc on se retrouve avec NYCFC qui joue contre un frère d'expansion de 2015, 1-1 NYCFC contre Orlando. Orlando aussi reprend du poil de la bête, je pense que on se retrouve avec des situations inversées comme NYCFC, Orlando, on se retrouve aussi Atlanta et Orlando, ils ont changé de rôle un peu cette année. TFC perd à la maison, Toronto 1, Portland 2. Belle victoire pour Portland qui connaissait un début de saison médiocre jusqu'à présent, mais depuis une semaine retrouve quelques résultats intéressants et surtout cette victoire sur la route contre Toronto FC qui a une bonne saison quand même cette année en MLS, même s'ils ont connu un début de saison difficile en Ligue des Champions. En MLS, ils ont une des bonnes équipes dans l'Association de l'Est jusqu'à présent. FC Dallas 0, San Jose 0. Un autre match enlevant de maudit soccer plate, comme on dit, mais FC Dallas, intéressant. Beaucoup de jeunes font confiance en leur jeune ailier défensif. Je pense que FC Dallas sera une des équipes à surveiller côté progression cette année et peut-être en 2020 une équipe qui sera dangereuse dans les séries. Une prédiction déjà pour 2020. Oui, c'est comme ça qu'on roule ici sur la transversale. Vancouver 1, Philadelphie 1. Bon, au moins c'est un point pour Vancouver, mais il n'y a rien de facile et il n'y a rien qui va. Comme dirait, les jeux sont faits, rien ne va plus à Vancouver. Et les controverses, ce n'est pas sur le terrain, mais c'est à l'extérieur du terrain. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous faire un petit résumé ici. Et si vous comprenez l'anglais, je vous suggère d'écouter l'entrevue que nous avons fait il y a un mois avec Kira McCormack, une ancienne joueur de soccer pour les Vancouver Whitecaps de la saison 2008, 2007, 2008 et l'équipe nationale canadienne aussi à ce moment-là. Et lors de leur programme qui avait de développement féminin à la fin des années 2010, donc 2008 et avant ça, le coach, plusieurs allégations d'harcèlement, autant sexuel que psychologique, envers l'entraîneur Kieran McCormack, qui s'est longuement battu pour amener un petit peu plus de lumière sur le sujet. Et lumière, il y a maintenant, finalement. Je vous suggère de vraiment prendre le temps d'écouter cette entrevue que nous avons faite il y a un mois sur Soccer Today avec Kieran McCormack. Vous allez en comprendre plus la situation, à quel point cette situation a brisé la carrière de plusieurs joueurs de l'équipe nationale féminine dans les années 2007, 8, 9, qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves pour le soccer canadien et ça a eu des conséquences extrêmement graves. Pas peut-être, ça a eu des conséquences extrêmement graves. Et je pense que c'est vraiment important de prendre connaissance de ce qui s'est passé, de croire Kira et de croire plusieurs personnes et de voir que ce n'est pas un élément isolé dans l'organisation et dans la culture des Whitecaps de Vancouver. Je pense qu'il est temps de prendre un grand coup de semonce est dû à Vancouver. Je pense que Bobby Leonarduzzi, le président, doit quitter. Il était présent dans le temps. Il est encore là présentement. Les faits ont été couverts, ont été cachés et ont essayé d'étouffer cette histoire depuis des années et des années. Je pense que le temps est venu de passer à autre chose. Et ce n'est qu'un des exemples qu'il a eu aussi. Un des entraîneurs de l'Académie des Whitecaps de Vancouver a été reconnu coupable de faits racistes il y a quelques années et il est encore sous emploi. Donc je pense que c'est le temps de se regarder longuement dans le miroir pour Bobby Leonarduzzi et c'est le temps de se regarder dans le miroir pour les Whitecaps de Vancouver. Quel type d'équipe voulez-vous être dans le futur et quel type de legs voulez-vous donner à vos fans? Quel type de passion, de message voulez-vous passer à votre base de supporters si vous acceptez des faits comme ils sont arrivés dans les 2008? Il y a eu deux fois maintenant, depuis les deux derniers matchs à la maison, les supporters ont quitté le match en support à Kieran McCormack et aux autres victimes. 14 personnes qui étaient présentes dans l'équipe en 2008 ont signé en tant que témoins et en tant qu'ils ont corroboré les faits de Kieran McCormack. Je vous suggère d'écouter cette entrevue que j'ai réalisée il y a un mois. Regardez Soccer Today, Kieran McCormack, C-I-A-R-A McCormack, et vous allez en apprendre plus sur le sujet. Et c'est vraiment important qu'il se passe de quoi à Vancouver. Alors retournons au résultat en MLS en ce week-end numéro 9 de la saison 2019. Atlanta 1, Colorado 0. Wouhou! Atlanta a gagné finalement la deuxième victoire pour Peter DeBoer en tant qu'entraîneur de l'Uni d'Atlanta. En parlant d'Atlanta, Tata Martino a été questionné plus tôt cette semaine et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de son remplaçant. Et Tata Martino a mentionné que c'était un step-up pour utiliser les mêmes mots qu'il a utilisés. Donc une amélioration au poste d'entraîneur. Donc, Peter DeBoer serait meilleur que Tata Martino. Laissez-moi être sceptique. Les Red Bulls de New York ont enfin connu une victoire à la maison cette année. C'est pas la première, mais ça n'a pas été facile non plus au Red Bull Arena pour les Taureaux Rouges en 2019. Ils ont battu l'équipe d'expansion, le FC Cincinnati, 1-0. Houston 2, Columbus 0. Houston qui continue à ne pas avoir de problème en 2019. Une des équipes surprises, mi-tableau selon moi en fin de saison, mais une équipe qui peut se retrouver dangereuse en fin de saison, surtout avec le nouveau format de la MLS. Donc en série, vous perdez, vous êtes sorti. On parle ici maintenant d'un match extrêmement divertissant. 4-4, Sporting Kansas City. 4, le Revolution de Nouvelle-Angleterre. 4, au yable, la défensive. Même avec un carton rouge, le Revolution a réussi à avoir un résultat quand même favorable. Un match nul à Kansas City. Je pense que c'est un cas de fatigue un peu pour Kansas City avec la demi-finale de la CONCACAF il y a quelques semaines, Ligue des Champions, où ils se sont fait défoncer 10-2 contre Monterrey, contre Rayados, les Rayons de Soleil de Monterrey, qui se retrouvent en finale contre Tigres. Et quelle, euh, quel derby, ça, il reste le deuxième match cette semaine. Ce sera tout un derby qui aura lieu le deux matchs au Volcano, au Volcan, le terrain de jeu de Tigresse. Donc, dimanche, quatre matchs aussi qui ont eu lieu dimanche. Montréal, Chicago, 1-0 Montréal. Minnesota, 1 contre DC United à la maison. Et ce résultat a donné une égalité au premier rang sur le point, sur les nombres de points pour l'Impact de Montréal avec le DC United. Seattle, 1, LAFC, 1. Une bataille de poids lourd, mesdames et messieurs, dans l'association de l'Est, de l'Ouest. Deux des peut-être meilleures équipes de l'association se sont affrontées. Match nul, carton rouge pour Seattle, malheureusement. Mais LAFC avait la victoire au bout d'un soulier. Mais malheureusement, c'était plus dur de manquer sa chance. Je crois que c'était Christian Ramirez, mais je peux me tromper. Il a manqué en fin de match ce qui aurait été le but gagnant pour LAFC. Mais bataille de poids lourd, je crois que nous allons revoir ces deux équipes, peut-être même en finale de l'association de l'Ouest, avec, pour le gagnant, une place en Coupe MLS qui aura lieu le 10 novembre cette année. LA Galaxy 2, le Real Salt Lake 1, et c'est ce qui fait le tour de la MLS cette semaine, semaine numéro 9, et nous allons garder un œil sur les matchs aussi, retournons au calendrier ici. Vous allez voir quelques matchs en mi-semaine. Nous avons Philadelphie-Cincinnati mercredi soir. Un match qui peut être intéressant pour le classement de l'Est qui a lieu comme ceci. DC United premier avec 17 points. Égalité avec l'Impact de Montréal, 17 points aussi. Les deux avec 10 matchs joués, 5 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls pour les deux équipes. Mais DC United a marqué 13 buts, l'Impact 12. DC United a accordé seulement 10 buts, l'Impact n'a accordé 14. Donc une différence différentielle de plus 3 pour DC United et Wayne Rooney. Et pour l'Impact, différence de moins 2. Donc c'est ce qui fait la différence de ces deux équipes. Et c'est ce qui fait que DC United est premier, Montréal est deuxième. Mais Montréal, belle opération. Philadelphie, troisième dans l'Est. Belle performance jusqu'à présent pour Jim Curtin et ses hommes. 14 points après 9 matchs joués pour une moyenne de points par match de 1.56. Belle opération jusqu'à présent pour l'équipe de Philadelphie. Toronto, quatrième, 13 points. Columbus, cinquième avec 13 points. Orlando, 6e, 12 points. Et le New York City FC, 7e, dernière position qui donne accès aux séries. Si les séries commençaient présentement avec 12 points aussi, avec une fiche presque identique à Orlando. Donc, on va terminer la boucle MLS avec ceci. Mais en fin de semaine, c'était aussi, je vous dirais, une fin de semaine extrêmement historique en MLS, excusez-moi, en MLS, non, aucunement, au Canada, pour le soccer canadien. C'était le début de la première ligue canadienne de soccer, avec deux matchs. Le premier match de l'histoire a eu lieu samedi à Hamilton, Forge FC de Hamilton contre York 9 FC, le club de la banlieue de Toronto. Se sont affrontés pour un match nul de 1-1. Et dimanche a lieu le deuxième match. Pacific FC à Victoria sur l'île de Vancouver recevait les Halifax Wanderers de Halifax, les HFX Wanderers de Halifax, qui ont fait le troisième plus grand voyage de l'histoire du soccer au monde après deux clubs quelque part au milieu de la Sibérie. Ceci est le troisième plus long voyage au monde pour un match régulier d'une ligue de Halifax jusqu'à l'île de Vancouver, jusqu'à Victoria. Quel voyage, mesdames et messieurs! J'espère que Zachary Sokunda, Vincent Lamy et Shakib Hossin de Halifax ont amené leur carte Air Miles, parce que avec ce voyage, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir payer pour votre épicerie pour les deux prochaines années. C'est loin et ça vaut la peine de garder des points. Donc, victoire de 1-0 pour Pacific FC. Première victoire de l'histoire de la Ligue première canadienne va à Pacific FC sur l'île de Victoria. Regardons un petit peu le calendrier de la Ligue première canadienne. Mais je dois vous avouer, j'ai été quand même agréablement surpris. Pour moi, je m'attendais à rien. J'avais pas d'attente en tant que telle pour le déroulement des matchs, l'identité, voir. Mais York 9 m'a surpris avec leur jeu de possession, leur jeu de pression, être capable de contrôler le ballon, de monter jusqu'au dernier tiers, d'être capable de tester un petit peu Forge. Intéressant. Carl Becker, qui sera un des faits saillants du week-end avec ce coup de coude en face du joueur de York 9. Il aurait dû avoir un carton rouge, mais hélas, il n'en a pas eu. Carl Becker a pas vraiment changé depuis son temps avec l'Impact. Il avait une chance en or d'égaler le match. Et ça s'est rendu dans les estrades à gauche. Et vraiment, genre, à gauche, là. Mais après gauche, l'autre gauche. Très, très loin d'être prêt du gardien. OK, excusez-moi. OK, Google, voulait parler. OK, Google, stop. Excusez-moi. C'est ce qui arrive lorsqu'on a un assistant électronique dans notre studio. Je pense qu'il est temps que je le débranche. Retournons à Carl Becker et son manque de précision. Espérons qu'il aura l'opportunité. Je maintiens ma prédiction de voir Carl Becker marquer un but surprenant et impressionnant cette année, surtout sur coup franc, d'après moi, en Ligue canadienne pour le Forge FC. Le troisième match de l'histoire de cette ligue aura lieu mercredi, Pacific FC contre Valor FC. Si vous désirez voir la première Ligue canadienne, vous pouvez... En ligne, onesoccer.ca, vous pouvez vous abonner, c'est $9.99 par mois, ou vous pouvez vous abonner pour la saison. Si vous avez déjà un billet de saison pour une équipe de la Première Ligue canadienne, vous avez un rabais substantiel pour l'abonnement à onesoccer.ca. Il y a un mois gratuit, donc si vous vous abonnez, vous allez pouvoir écouter pendant un mois, décider si vous aimez ça ou non. Mais encourageons le produit de foot local. Il aura peut-être une équipe au Québec l'année prochaine, peut-être deux en 2021. On parle depuis quelques semaines d'Alex Bunbury, en gloire du soccer canadien, a joué pour Maritimo, évidemment, au Portugal et autres, est une excellente grande vedette, a joué pour Ottawa, a joué dans la vieille CSL. Donc, Alex Bunbury, à Hamilton, excusez, qui a eu du succès en la vieille Ligue canadienne dans le temps. Alex Bunbury, qui présentement travaille très fort pour amener une équipe, il voulait l'amener dans la région de Laval, peut-être Montréal, il y a peut-être Saint-Léonard même. Donc, dans la région montréalaise, la grande région de Montréal, veut apporter une équipe, mais présentement, il y a peut-être quelqu'un dans la région de Québec qui pourrait être prêt déjà pour 2020 pour avoir une franchise dans la région de Québec. La semaine dernière, Jacques Tanguay parlait que si un projet lui était présenté et qu'il avait du sens, il ne serait pas opposé à être un investisseur dans un tel projet. Est-ce que ça avance à pas de lapin et qu'on se retrouve avec un projet déjà prêt pour 2020 et qu'on voit la région de Québec représentée en Première Ligue canadienne? Ça se pourrait. Est-ce qu'on pourrait voir Laval être prêt ou Saint-Léonard ou Montréal être prêt pour 2020 aussi ou 2021 avec Alex Bunbury? Ça peut être le cas aussi. Nous allons voir dans les détails. Donc, mais selon Alex Bunbury, qui a mentionné à TSN 690 AM Radio Sportive de Montréal, Alex Bunbury a mentionné que la région de Québec, la ville de Québec, est peut-être une option déjà prête pour 2020 et que Laval ou la région de Montréal ou Saint-Léonard, ce projet-là pourrait voir le jour peut-être pour 2021. Et une des raisons mentionnées par Alex Bunbury, c'était d'avoir l'académie et le développement de la jeunesse, le développement des jeunes et la pyramide de développement bien en place lors du lancement de l'équipe, pour pouvoir avoir une opportunité de recruter des jeunes et de les envoyer déjà avec l'équipe première. Et je pense que si ça traîne de la patte de ce côté-là, il y a peut-être une difficulté d'entente entre un groupe d'investisseurs, les associations municipales de soccer, les différentes associations, soit à Laval, soit à Montréal, soit à Saint-Léonard. Plusieurs personnes doivent être convaincues, plusieurs personnes doivent avoir leur idée inclue dans un projet comme ça pour pouvoir faire partie de la pyramide. Et on parle de, si on est dans la région de Laval, on parle aussi d'avoir un nombre de personnes et un nombre de différentes associations s'unir pour pouvoir avoir une équipe. Donc, il faudrait, exemple, si on prend Laval, d'avoir Delta, Fabrose, Monteuil et autres. s'entendre et créer un club ensemble ou créer une infrastructure de développement de jeunes joueurs ensemble, de haut niveau élite à 15, 16, 17 ans, pour les promouvoir ensuite avec l'équipe professionnelle de Montréal ou de Laval. Juste un exemple. Donc, je pense que c'est là que le bas blesse. C'est plus facile à en parler que trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Et tout le monde veut sa part du gâteau. Lorsqu'on parle d'une équipe professionnelle, il y a l'argent qui rentre en ligne de compte. Et lorsqu'on parle d'association régionale de soccer et d'argent et de droits, de profession, de partager les revenus commerciaux, ça commence à être de grandes conversations. Donc, c'est des projets qui sont beaucoup plus difficiles à mettre ensemble que juste trouver un milliardaire et lui faire signer un chèque et voilà, c'est parti mon kiki, on a une équipe. Je pense que le terrain d'entente et tout doit être fait de la bonne manière pour pouvoir garantir la pérennialité d'un projet, pour garantir l'existence d'un projet dans le temps et non seulement comme la XFL et avoir une saison et se retourner dans notre autre compagnie, par exemple. Donc, on a vu des ligues commencer et se fermer. Et on a vu plusieurs ligues professionnelles dans plusieurs sports. On vient de perdre la Ligue canadienne de hockey féminine. Donc, je pense que c'est un petit peu bien vu, selon moi, de prendre son temps avant d'investir et de partir un projet un petit peu trop tôt. Il vaut mieux prendre le temps de bien partir parce qu'on n'a pas deux chances de faire une première impression. Et je pense que la Première Ligue canadienne, même s'il y a eu quelques difficultés ici et là, première impression est bonne. Et une des choses que j'ai adoré en regardant la Première Ligue canadienne cette fin de semaine, c'est la familiarité. Vous êtes probablement comme moi, vous regardez des matchs des fois de deuxième division en Angleterre, en Allemagne, regardez des matchs de Ligue 1 en France, des matchs de coupe. On regarde plusieurs différents types de soccer partout dans le monde. Et il y a des constances qu'on voit partout qu'on voit pas en MLS. Des choses qui sont arbitraires, je vous dirais, des choses qui sont décoratives, l'habillement du produit, je vous dirais. Et ce qui est un peu ce que je parle ici, exemple, les entraîneurs et les joueurs après le match faisaient leur entrevue devant un arrière-plan qui était très symétrique avec chaque commanditaire de la même grosseur, avec l'arrière-plan d'une couleur unie et qui était très similaire à ce qu'on voit en Europe. Et ça m'a juste donné un petit côté de familiarité, ça m'a fait sourire et ça m'a donné un petit côté familier à un produit qui débutait, que personne n'avait jamais vu. On a vu un petit peu la même chose avec l'habillement et avec le respect de certaines choses pour la Ligue. Et je pense que c'est bien commencé pour One Soccer. Faut pas oublier que One Soccer fait partie du groupe Media Pro qui a de l'expérience en production de matchs de foot. Media Pro, c'est la Liga. Media Pro, c'est les matchs de Barça sur beIN Sport. C'est ça, les matchs de Real Madrid. Donc, ils ont une certaine habitude pour partager et certains trucs pour partager l'émotion et la beauté du beau jeu à travers notre écran. Et je pense que la première fin de semaine est réussie pour la Première Ligue canadienne. Continuons ce mercredi avec le deuxième match. Pacific FC à la maison contre Valor. Et nous allons regarder ça demain soir sur onesoccer.ca. J'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé au soccer en fin de semaine à Montréal et au Canada. Si vous aimez l'émission, prenez un petit instant. Abonnez-vous sur iTunes ou partout où vous trouvez vos balados préférés. Google Play Store, Stitcher ou ailleurs. Je vais essayer aussi de voir si c'est possible de mettre sur la transversale, sur Spreaker et autres. Mais abonnez-vous, un petit review comme on dit, un petit commentaire, un 5 étoiles, ça nous aide beaucoup à la croissance de l'émission. Je dois m'avouer surpris et extrêmement agréablement surpris de votre support cette année, de votre réponse à sur la transversale. La semaine dernière, nous étions dans les 109e, 107e au Canada, dans la catégorie professionnelle, devant des gros, gros canons du sport canadien, du monde du podcast. Donc, on vous remercie énormément. Merci de nous suivre. Si vous voulez nous supporter financièrement aussi, on l'apprécie énormément. Patreon, vous connaissez la plateforme. Donc, nous avons un Patreon pour le réseau SPN, patreon.com/sports. Podcasting Network, chaque dollar investi nous donne du support et du budget pour pouvoir payer pour des micros intéressants, pour pouvoir avoir de l'équipement de qualité, pour pouvoir vous donner et pouvoir prendre le temps de préparer des émissions de qualité pour votre plaisir d'écoute. Et nous aimons ce que nous faisons et votre support, nous aimons ça encore plus. Donc, vous pouvez trouver la version balado partout où vous trouvez vos balados préférés. Et une autre façon que vous pouvez nous aider, c'est partager l'émission. Un petit commentaire après l'émission, répondre à nos questions. Faites-nous sentir écoutés, faites-nous nous sentir aimés. Et nous allons toujours continuer. Mais jusqu'à la prochaine fois, moi, c'est Kevin Laramé. Et comme d'habitude, je vous souhaite bon soccer.